C'était à une époque où on passait les mercredis et les samedis ensemble. C'était avec mes potes, on cherchait un truc kiffant qui nous rassemble. Puis on s'est mis au rap, tu connais le phénomène, on n'a jamais décroché. Maintenant c'est ma culture, si tu l'attaques, tu vas manger des crochets. À 7 ans dans la cour, on faisait genre, on savait tout alors qu'on n'y connaissait rien. Pas de grand frère à la maison, la découverte du genre de 97 à 2001. On se faisait passer discrètement les albums qui allaient tout sur cassette audio. Un peu plus tard, on s'est mis à kiffer les nouveautés qui passaient à la radio. Puis les années collège dans le baladeur, du rap, j'en veux encore. Nos années rebelles pendant lesquelles le rap était soi-disant mort. Mais nous on s'en foutait, on était 3-4. Pour qui avec ça devrait. Moi ce qui me faisait kiffer c'était les textes, cette poésie que je découvrais. Alors j'ai commencé à me cacher pour faire des rimes, c'était à l'âge de 12 ans. Mais je me prends pas pour un ancien, c'était juste mon délire et mon passe-temps. J'ai toujours fait mes textes dans ma chambre, dans la rue ou dans les trains. C'est une activité perso, elle m'a bercé, je m'y voyais percer tous les matins. Le groupe s'est formé encore une fois, je l'avais pas dit à la famille. Ça avait trop peur de leur faire peur, qu'ils me croient parti en vrille. Et comme caché dans une soute, nos premiers raps se faisaient à l'écart. De toute façon à l'écart on était quand on traînait devant la gare. Chez moi je me planquais pour recaler ma voix, je faisais pas écouter. Parce que j'écrivais que pour moi, je pensais pas déjà y faire tourner. Mais on a pris du poids sans prendre, la grosse tête des grands destins. Mec ça c'est mon rap sans faire partie d'un clan, il arrive tel un clandestin. La musique elle est partie de rien, elle s'est fait toute seule, sans cri de sol. Elle est aussi partie de loin, elle s'est construite dans les coins sales, même le sol. Peu à peu elle s'est infiltrée, elle est passée en Inde, aujourd'hui elle s'installe. Avec le temps on sort de l'ombre et la nuit se termine, parce qu'on a trop la dalle. Clandestine aussi parce qu'elle vient pour ton rap français d'une terre étrangère. Elle vient du 6-9 ici aussi, elle chante des MC pour ça t'inquiète on gère. Clandestine parce que ni commercial ni à la mode, mais pélo ça va te plaire. Je répète c'est un des indépendants de ce jeu business qui m'atterre. C'est tel un clandestin que je m'identifie. Lorsque la mélodie monte dans le casque, le son s'amplifie. Je garde la musique pour moi, qu'elle reste dans mon univers. Car ailleurs on ne la comprend pas, elle ne passe pas. Ça m'énerve, tes parents ne l'acceptent pas toujours. Alors tu te caches pour écrire tous les jours. Tu te fâches pour les mêmes conneries, les mauvais jours. Car dans ce monde tu passes forcément pour un clandestin. Si tu rentres pas dans le moule, je vais pas te faire un dessin. C'est indécent de devoir se cacher pour quelques mots sur des bouts de papier. Souvenez-vous, je l'ai déjà dit. C'est pas pour palper que je le fais, je parle pas pour rien dire moi. Mais dis-moi franchement pourquoi je me cache alors que des pétasses montent leur cul au top 50. Ça devient hallucinant. Aujourd'hui, les rappeurs sont nuls ici mais s'exhibent partout pendant que je me cache comme une substance illicite. Je veux pas qu'on voit ce que j'écris. Je rends mes phrases illisibles, mes pensées indicibles. Lorsque j'écris, je suis l'homme invisible. Mais tu ne m'effaceras pas, je ne suis pas le malfrat de base. Mais plutôt le alpha du rap à développement durable. Un message brutal, n'ayez pas honte de ce que vous faites et faites le bien, que rien ne vous effraie. Dans le monde, les faibles n'ont rien. Je voudrais décrocher la tour Eiffel après la lune au bout de ma plume. Mais je reste coincé une feuille, un crayon de papier au bout de ma piole. Avec beaucoup de critiques et peu de gens qui m'épaulent, c'est drôle. Mais je rappe clandestin car dans ce monde, je sens que c'est mon rôle. La musique elle est partie de rien, elle s'est fait toute seule, sans cri de sol. Elle est aussi partie de loin, elle s'est construite dans les coins sales, même le sol. Peu à peu elle s'est infiltrée, elle est passée en Inde, aujourd'hui elle s'installe. Avec le temps on sort de l'ombre et la nuit se termine, parce qu'on a trop la dalle. Clandestine aussi parce qu'elle vient pour ton rap français d'une terre étrangère. Elle vient du 6-9 ici aussi, elle chante des MC pour ça t'inquiète on gère. Clandestine parce que ni commercial ni à la mode, mais pélo ça va te plaire. Je répète c'est un des indépendants de ce jeu business qui m'atterre.